Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve ici pour une émission spéciale depuis Radio Fadjet à Nancy. Elle portera sur le bien-être à l'école. Premièrement, nous commencerons par un édito qui vous sera présenté par Noé, notre rédacteur en chef. Puis, Wissem et Jeanne vous feront part de leur chronique sur la phobie scolaire. Ensuite, Léon et Liam prendront le relais avec l'interview de l'infirmière du collège. Nous terminerons l'émission en musique avec Mathis qui nous dévoilera sa chronique sur le groupe Gorillaz. Passe désormais le micro à Noé pour son édito. Bonjour à tous et merci Neyla. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel édito un peu spécial, car il s'agit du dernier édito de l'année. Mais aussi, car nous nous retrouvons à Radio Fadjet à Nancy. Une vraie radio qui nous accueille pour cette dernière émission de l'année et que nous remercions. Pour cette émission, nous avons choisi le thème de la santé et de la psychologie. Alors, comme locution latine, nous avons choisi « mens sana in corpore sano ». Un esprit sain dans un corps sain. Nous avons choisi cette citation car il est important de rappeler que la santé, notamment mentale, sont très importantes pour le bien-être et que ce sont des besoins fondamentaux pour l'être humain. C'est un sujet d'actualité car le 24 avril, à Nantes, un élève de 15 ans a poignardé 4 élèves de son établissement. Il est atteint de troubles psychiatriques. Et aussi, et pour nous en dire plus, Madame Coïche, assistante sociale, dans notre collège, a répondu à nos questions. Trouvez-vous que la santé mentale est importante ? Oui, la santé mentale est importante chez les adolescents, puisque c'est ce qui va déterminer les futurs adultes plus tard. Donc tout le contexte social, scolaire, est important à prendre en compte pour le développement des adolescents et des futurs adultes. Que diriez-vous du drame qui a eu lieu à Nantes où un élève de lycée a poignardé un autre dans son établissement scolaire? Alors c'est un fait divers, donc je vais pas forcément me positionner dessus parce que j'ai un devoir de neutralité en tant que fonctionnaire, mais ça met en avant que la santé mentale est à travailler dès le collège, voire même avant, en primaire, si possible. Nous remercions Madame Coïche d'avoir répondu à nos questions. Voilà ce qu'on peut apprendre sur la santé et la psychologie, mais vous en saurez plus dans la suite de cette émission, car n'oubliez pas que Wissem et Jeanne parleront de la phobie scolaire au sein des élèves et Liam et Léon ont posé des questions à l'infirmière du collège. Sur ce, je repasse le micro à nos présentatrices du jour. Merci Noé pour cet édito. C'est maintenant à vous, Jeanne et Wissem, de nous en apprendre plus sur la phobie scolaire. Bonjour à tous et merci Naïla et Lou. La phobie scolaire est un trouble de plus en plus fréquent dans les établissements scolaires. Pour que vous compreniez un peu plus le sujet, on va vous expliquer ce qu'est la phobie scolaire. La phobie scolaire est un trouble qui empêche un enfant d'aller à l'école, affectant ses compétences académiques, sa santé mentale, ses relations sociales. Cela peut engendrer un renfermement sur soi-même ou des maladies telles que la dépression. La phobie scolaire est la plupart du temps causée par les résultats scolaires médiocres, les difficultés relationnelles, familiales et la mésentente avec les professeurs. Les conséquences de la phobie scolaire sont la baisse du niveau scolaire, un isolement social, ce qui finit par le mettre à l'écart, de la dépression et un risque de phobie sociale à l'âge adulte, car il perd l'habitude de côtoyer les autres, ce qui renforce sa peur de sortir de chez lui. Pour prendre en charge la phobie scolaire, il faut un suivi le plus vite possible. Cela passe par des consultations chez le pédopsychiatre ou une hospitalisation. On reprend au début de la phrase. Hospitalisation. Pour prendre en charge la phobie scolaire, il faut un suivi le plus vite possible. Cela passe par des consultations chez le pédopsychiatre ou une hospitalisation pour les cas les plus aigus. Des thérapies peuvent aussi exister par l'art ou la sophrologie et être Des thérapies peuvent aussi exister par l'art ou la sophrologie et être associées à un projet d'accueil individualisé au sein de l'établissement pour reprendre une scolarité progressivement. Voilà pour cette chronique sur la phobie scolaire, un sujet important dans l'école de nos jours. Merci à vous pour cette chronique qui nous en a appris beaucoup sur ce sujet. Laissons maintenant place à Léon et Liam pour écouter leur interview avec l'infirmière du collège. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons notre interview de l'infirmière scolaire, Madame Grossier, sur la santé et la psychologie à l'école. Qu'est-ce que la santé ? Alors, bonjour Léon, moi je suis l'infirmière du collège. Donc, la définition de la santé pour l'OMS, c'est un état complet de bien-être et physique, et mental, et social. C'est pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité, c'est aussi un bien-être global. Et c'est le droit fondamental de tout à chacun, de tout être humain, quelle que soit sa culture, sa religion, ses opinions politiques, ou sa condition économique et sociale. Et donc, c'est pour que tous les besoins de l'être humain soient satisfaits, qu'ils soient affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux ou culturels. D'après l'OMS, c'est la définition de la santé. Quelles sont les principales missions en tant qu'infirmière scolaire ? Alors, la première mission de l'infirmière scolaire, c'est d'accueillir tout élève qui en fait la demande, quelle que soit sa demande. Donc, on l'accueille à l'infirmerie, que ce soit pour sa santé physique, mais également pour sa santé mentale. On fait également les dépistages infirmiers, c'est-à-dire qu'on dépiste s'il y a des maladies sous-jacentes chez tous les sixièmes. On fait un suivi infirmier également. On accompagne les élèves à besoins particuliers, ceux qui ont des maladies chroniques, diabète, asthme, des troubles type neurodéveloppement, type troubles du spectre autistique, TDAH, tous les troubles 10. Et on s'occupe aussi de la protection de l'enfance en association avec l'assistante sociale. On fait également la promotion de la santé. Donc la promotion de la santé, c'est donner des outils aux élèves pour apprendre à se maintenir en bonne santé et à mettre en place de bonnes habitudes pour rester en bonne santé. Est-ce que toutes les maladies ont un traitement ? Alors non, toutes les maladies n'ont pas un traitement. Il y a des maladies chroniques dont on ne peut pas guérir, par exemple typiquement le diabète, l'asthme, mais on peut soulager la maladie. Il y a des traitements qui vont soigner les symptômes, c'est-à-dire on va donner des antidouleurs s'il y a de la douleur, on va donner de l'insuline s'il y a trop de sucre dans le sang, on va donner de la ventoline s'il y a un problème asthmatique, mais on ne guérira pas la maladie en elle-même. Êtes-vous souvent sollicité pour des problèmes d'anxiété ou de mal-être d'un élève ? Oui, très souvent, tous les jours. En regardant les statistiques de l'infirmerie, je dirais que c'est une consultation sur quatre spécifiquement liée à l'anxiété ou au mal-être. Quels sont les problèmes de santé les plus fréquents chez les élèves ? En premier lieu, c'est les maux de tête et les maux de ventre. Et donc, ça répond aussi à la question précédente, puisque souvent, quand les élèves ont mal à la tête ou mal au ventre, c'est souvent lié à un mal-être, à une angoisse, à une anxiété. Et donc, le fait, rien que de venir en parler, la douleur, elle diminue un petit peu. Et c'est aussi souvent lié à une mauvaise hygiène de vie. Ils ne sont pas assez hydratés, ils n'ont pas assez dormi, ils mangent un peu trop sucré, ils ne font pas assez de sport. Et donc, tout ça favorise des problèmes de santé tels que les maux de tête, les maux de ventre ou même les troubles anxieux. Comment sensibilisez-vous les élèves à l'hygiène et à la santé au collège ? Alors au collège, je disais que donc, le dépistage infirmier fait partie des missions de l'infirmière en sixième. Donc là, on donne tous les conseils nécessaires pour être en bonne santé. Et ensuite, des interventions en classe pour la prise de parole à l'oral pour les troisièmes. On fait venir des associations sur les addictions, sur la santé sexuelle. Et puis, tout au long des consultations individuelles, quand les élèves viennent, si je vois que son problème de santé est lié à un problème d'hygiène ou à des habitudes de vie malsaines, et bien là, on peut faire un suivi et puis je peux donner des outils aux élèves pour se sentir mieux. Grâce à cette interview, on a appris qu'un élève sur quatre souffre d'anxiété au collège. Les élèves viennent le plus souvent pour des maux de tête et des maux de ventre à cause de leur hygiène de vie.

Gorillaz ne se veut ni parodique ni destiné aux enfants, et son succès est dû au personnage créé par Damon Albarn et Jamie Howlett que leur musique. Leur premier album, Gorillaz, publié en 2001, a été vendu à 7 millions d'exemplaires dans le monde et est entré dans le livre des records en tant que groupe virtuel le plus performant. Il comporte des titres à succès tels que Clint Eastwood, que l'on vient d'écouter, 1920, Rock, The House et Thomas Come Today. Leur deuxième album, Diamond Days, est publié en 2005, a été certifié quintuple disque de platine au Royaume-Uni, double disque de platine aux États-Unis et nommé 5 fois aux Grammy Awards. En 2006, elle remporte le prix de la meilleure collaboration pop avec Party Vocal. L'album contient les titres Feel Good, INC, Dirty Harry, Kids Wife Guns et El Manana. Gorillaz a été également récompensé à plusieurs reprises, notamment d'un NME Award, et est nommé 9 fois Brit Awards. Les ventes totales des albums Gorillaz et Diamond Days s'élèvent à plus de 15 millions d'exemplaires écoulés en 2007. Leur troisième album, Plastic Beach, est publié en mars 2010. On retrouve les titres Stylo, Surface de Jellyfish, On Melancholy Hill, Einstein Haze et Dunkamatic. Voilà pour cette chronique musique. À la prochaine pour un artiste ou groupe. Merci Mathis et merci à tous. C'est déjà la fin de notre émission. Nous remercions l'équipe de Radio Fadjet de nous avoir accueillis pour cette visite et cette émission. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et on se retrouve dans une prochaine émission.